Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle, Tempus Fugit, qui est écrite par Xavier Vatillon, parue aux éditions Les Artistes Fous. Xavier Vatillon est un écrivain belge, il a 30 ans. Donc, il nous raconte cette petite histoire de science-fiction, comme je les aime. Plein d'imaginaire, à ma portée pour comprendre. Puis assez gentil, finalement. Voilà. Donc, Tempus Fugit, je me suis amusée à regarder la traduction. Le temps passe vite. Eh oui. Un son déchira le silence de la nuit, interrompant violemment les songes du responsable de l'observatoire de l'Azuna. Il dirigea maladroitement son regard, puis sa main vers le téléphone qui vibrait non loin, et grogna dans le combiné. « Que se passe-t-il? Qui est à l'appareil ?»« C'est Alphen. » Le directeur de recherche se damna intérieurement d'avoir laissé le jeune astrophysicien seul avec le télescope et envisagea de raccrocher, mais quelque chose dans le ton de son interlocuteur le poussa à prendre patience. Il frotta ses yeux embrumés, écouta le discours décousu, ponctué de « hoquets » et perdut toute envie de dormir. Puis, le front plissé et le visage blême, il composa à son tour un numéro. Pourtant, les tribulations téléphoniques nocturnes des chercheurs de l'Azuna n'eurent qu'un écho décevant. Le matin venu, l'extravagante théorie qui avait émergé au cœur du petit observatoire spatial ne donna lieu qu'à un article discret sur Internet, qui fut massivement ignoré et rapidement oublié. Il fallut près d'un mois pour que les premiers effets fassent leur apparition, puis à peine quelques jours pour que l'article d'Alphen soit redécouvert par les foules. Approché sous un jour nouveau par les lecteurs apeurés, sa théorie semblait bien moins absurde. La sérénade qu'Alphen sifflotait avec application résonnait dans toute la station spatiale internationale. L'endroit était désert à l'exception de son visiteur imprévu. Il contemplait la Terre au travers d'un hublot incapable de se lasser de la vue. Les circonstances, toute tragique qu'elle soit, lui aurait au moins apporté ça de bon. Alphen n'avait jamais réalisé avant ce jour qu'il éprouvait une telle envie de s'élever parmi les étoiles, qu'il contemplait pourtant quotidiennement depuis des années. Il se retourna, s'approcha du hublot opposé et plongea son regard dans l'espace, à la recherche d'un point invisible qu'il ne pouvait deviner que parce qu'il le savait là. « Si je ne t'avais pas vu. » La console s'illumina, indiquant l'arrivée d'une transmission de la Terre. L'écran grésilla une fraction de seconde avant d'afficher une tablée de visages soucieux. Au travers d'une large baie vitrée, le crépuscule du soir colorait leur front d'ambre. Alphen pouvait-il lire l'inquiétude, l'incompréhension, la peur? « Nos félicitations pour votre mise en orbite, Alphen. Vous avez ça dans le sang. »« Merci, monsieur le président. » L'homme grisonnant, occupant le centre de la table, lui indiqua d'un geste que les politesses n'étaient pas de mise. La situation empire. La majeure partie de la côte est désynchronisée et la tempête gagne du terrain. Alphen tiqua à l'utilisation du mot « tempête », mais il s'abstint de reprendre son interlocuteur. Il ne pouvait que compatir avec cet homme inquiet qui portait sur ses épaules en ce moment le poids d'un problème théoriquement insoluble. « Soyez franc, Alphen. Pensez-vous sincèrement que votre plan ait la moindre chance de fonctionner ?» L'astrophysicien soupira. Comment pouvait-il répondre à ça? Son hésitation se changea en borborygme, puis en son de plus en plus intelligible. « Ce que je peux vous certifier, c'est qu'il s'agit de notre meilleure chance. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce soit le cas. » Ce n'était pas là la réponse que l'homme d'État voulait entendre, mais Alphen ne pouvait lui donner davantage, tant pour raviver son courage que celui de ses interlocuteurs. Il se lança une nouvelle fois dans la synthèse de son plan. Le problème, quel qu'il soit, se trouve aux confins de l'univers. Je l'ai vu de mes propres yeux, ses conséquences tout au moins. D'ici, nous ne pouvons espérer agir. Mais si je parviens jusque-là, j'ai calculé un vecteur d'approche qui tire parti des bandes atemporelles. Ces perturbations semblent régies par des règles bien définies, bien que je ne les comprenne pas encore toutes. Et je suis optimiste. Avec une poussée initiale de force et de direction adéquate, ainsi qu'une dose suffisante de chance, j'atteindrai la zone atemporelle en un rien de temps. » Il grimaça et s'interrompit en prenant la pleine conscience de ce qu'il venait de dire. De l'autre côté de l'écran, les visages restèrent impassibles. Le président n'avait plus acquiescé depuis une bonne minute. Il n'acquiescerait plus, comprit Alphen. Les perturbations ont quitté la côte, soupira le jeune homme, se sentant plus seul que jamais. Le son de sa voix le rassura un peu, mais il ne pouvait attendre que le dérèglement se dissipe. Il jeta un dernier coup d'œil aux stimulations affichées à l'écran, sous les visages immobiles du président et du conseil, puis leur tourna le dos. La capsule. Un cylindre à peine plus grand qu'Alphen, au cœur duquel il pouvait tout juste se coucher, l'attendait à l'extrémité d'un des bras de la station. Il négocia maladroitement l'entrée à quatre pattes, puis s'étendit sur le ventre, le visage tout proche des écrans. La situation était hautement inconfortable, mais c'était sans importance à ses yeux, car il ne comptait pas s'y éterniser. L'absurdité du concept le fit sourire. Et il regretta de n'avoir personne avec qui le partager. Un souffle l'informa que l'habitacle venait de se refermer. Il scruta le schéma du fuselage qui s'affichait en couleurs vives. Puis soupira d'aise. Tous les systèmes étaient opérationnels. Avec l'inquiétude de l'astronaute novice et un manque de confiance flagrant envers l'intelligence artificielle, chargé de réaliser la manœuvre pour lui, Alphen entama la séquence de désarrimage. Les pinces libérèrent la capsule et la vibration de la séparation le fit frissonner. Il se sentit aussitôt attiré vers la Terre qui semblait refuser de le laisser partir. Il pouvait la comprendre. Lui non plus n'était pas encore certain de faire le bon choix. D'astrophysicien de campagne, il était devenu l'expert d'une théorie folle, édifiée au cœur de la nuit. Avant ce jour, Alphen n'avait jamais rêvé de voguer parmi les étoiles. Il se contentait de s'y abîmer depuis la surface de la Terre, laissant à son esprit le loisir de les peupler. À l'adrénaline et à la découverte, il préférait la caféine et la recherche, comme le prouvaient sans mal les poches saillant ses yeux. Pourtant, il vivait désormais le rêve d'un milliard d'êtres humains. Il flottait à l'orée du cosmos, prêt à plonger dans l'inconnu. Mécaniquement, ses doigts saisirent les variables clés de son itinéraire, et les propulseurs s'allumèrent. La capsule pivota, laissant la Terre et la station derrière elle, puis partie de l'avant. Alphen fixait la jauge de carburant qui diminuait à vue d'œil. Le minuscule vaisseau spatial misait tout sur la théorie de son passager. Mais ce dernier ne put réprimer un frisson de se savoir à la merci de la moindre erreur. L'obscurité s'étendait devant lui, piqueté d'étoiles glaciales. Selon ses estimations, il ne tarderait pas à pénétrer le champ d'une des bandes atemporelles, ces zones de singularité qui semblaient s'étirer depuis l'infini et dont il devait trouver la cause. En profitant de leur alignement, il avait une chance d'atteindre les confins de l'univers. C'était du moins sa conception. Mais il se retrouva soudain incapable de déglutir. Sa mémoire renoua avec les 1000 arguments opposés entendus avant son départ. Pourquoi l'avait-on écouté ? Alphen se força à respirer calmement. Nul n'avait proposé d'autre solution, voilà tout. Son idée n'avait presque aucun sens, mais elle en avait suffisamment pour prendre l'aspect d'un fanal pour une humanité désespérée. À tout instant maintenant, il allait franchir la limite de la zone. Relevant le menton, il scruta les alentours, les ténèbres. L'horizon d'étoiles qui changeait à peine malgré la vitesse de sa capsule. Alphen inspira plein poumon l'air sec, teinté par le métal du recycleur. Il en repoussa nerveusement la pensée qui l'assaillait une fois de plus. Dormirait-il ? Une part de lui espérait que ce ne serait pas le cas. Tiendrait-il alors le coup ? Qu'en retiendrait-il ? Son esprit se montrerait-il capable d'encaisser le choc ? Ses doigts, réalisa-t-il, étaient glacés, engourdis. La sensation gagna ses poignets, plongea dans ses veines, mais son étonnement n'atteignit pas les traits de son visage. Les étoiles brûlant à plusieurs parsecs de la capsule semblèrent s'agiter sur le fond noir de l'espace. Privé de temps, la navette libérée des lois de la physique fila vers les confins de l'univers. À son bord, Alphen se tint immobile, les yeux figés sur les tracés de lumière. Malgré les efforts de ses logiciels et propulseurs, la station spatiale internationale fit route vers le Soleil. Elle était incapable de lutter contre les anomalies qui déréglaient jusqu'au champ gravitationnel. Elle se fondrait bientôt dans la masse gazeuse et disparaîtrait à jamais. Elle emporterait avec elle les dernières notes d'Alphen, laissées derrière lui pour ceux qui le suivraient peut-être, car il savait pertinemment qu'il ne reviendrait pas. Ces pages prirent la teinte de la naine jaune qui emplissait désormais les hublots. L'écriture cursive aux lettres arrondies brilla de son plus bel éclat devant le dernier rayon de feu qui se poserait sur elle. Le temps est un accident. Il n'est qu'un sous-produit que l'univers laisse dans son sillage à mesure qu'il croît. En créant l'existence, il plante les jalons d'un avant et d'un après. Le temps naît, mais pas par but, mais par contrainte. Pour une raison qui m'est inconnue, l'univers ne poursuit plus son expansion. J'en tiens pour seule preuve les bandes de plus en plus fréquentes qui nous arrivent dépourvues de lumière et de temps, qui tissent des fils de néant dans l'espace, qui menacent toute vie. Le sillage temporel s'amenuise et finira par s'éteindre, car il a cessé de s'épanouir. Notre univers s'apprête à sombrer dans l'oubli de sa propre existence. La température augmenta, disloqua enfin le fuselage et les réserves d'oxygène s'embrasèrent. Elles emportèrent avec elles les mots d'adieu d'Alphen, le peu de connaissances qu'il avait rassemblées sur sa théorie du sillage. Il fallut un temps pour qu'Alphen réalise qu'il avait retrouvé ses moyens. Ses sens émergèrent de leur torpeur et sa première réaction fut de plonger dans ses souvenirs qu'il sentait déjà s'échapper à la manière d'un rêve. Les images diffuses se déformaient, s'évaporaient au contact de son esprit conscient. Il les poursuivit tant qu'il le pouvait, mais finit par perdre leurs traces à tout jamais. De son existence, il ne gardait que l'inconfort de l'éveil lorsque les sens ne superposent aux songes pour finalement les écraser. Alphen releva les yeux, il était arrivé. Devant lui se dressaient les limites de l'univers, puis le néant, du noir sur du noir. La poussée des propulseurs commença de s'amenuiser. Un coup d'œil à la jauge informa Alphen qu'elle était aux trois quarts épuisée et que les systèmes automatisés tentaient d'économiser leurs ressources. Il fit taire le réacteur, comptant sur l'inertie de la capsule pour atteindre sa destination, la source des anomalies. Devant lui flottait un corps céleste incommensurablement large, haut de quelques dizaines de mètres à peine. C'est de lui que naissaient les bandes atemporelles, ou plutôt de lui que naissaient plus que quelques bribes de temps, se corrigea Alphen. En calculant l'approche de sa capsule, il réalisa que la structure était parfaitement immobile. C'était la preuve, s'il en fallait une, que l'univers avait cessé son expansion. Les sourcils froncés, l'astronaute novice scruta l'aire d'atterrissage que sa sonde venait tout juste de repérer. L'étendue plane de métal teintée par les lumières des astres était jonchée de formes insolites. « Des vaisseaux ?» conclut Alphen, « mais ils ne viennent pas de la Terre. » Il les contempla plus en détail à mesure qu'il s'approchait, reconnaissant parfois ce qui pouvait tenir lieu d'habitacle, de propulseur. Dans la plupart des cas, son regard glissait le long des matériaux inconnus, incapable d'y voir le moindre point commun avec sa propre capsule. Il se posa entre une pyramide rosée aux arêtes luisantes et un cylindre segmenté d'ovales inégaux. L'ordinateur de bord l'informa que la structure sur laquelle il se trouvait générait une atmosphère viable, pour autant qu'il évite de faire trop d'efforts. Alphen s'extirpa de sa capsule et se laissa tomber au sol. De loin, l'aire d'atterrissage semblait composée de métal, mais elle était immaculée et se teintait au gré de la lumière des astres. Elle était tiède et s'animait parfois de frissons, des vibrations nées au cœur de machinerie cachée. La sensation d'être observé le tira de son analyse. Un chemin longeait l'aire d'atterrissage et menait à une porte, devant laquelle se tenaient deux silhouettes radicalement dissemblables l'une de l'autre. Par naïveté ou par logique, Alphen conclut qu'il s'agissait d'habitants d'autres planètes attiré en ce lieu pour la même raison que lui, et il s'approcha. La première créature mesurait près de 2 fois sa taille. Elle semblait composée de couches qui se désolidarisaient au gré de ses mouvements. L'astrophysicien chercha un visage, un regard, un quelconque organe de communication reconnaissable malgré les différences. Sans succès. Il se tourna vers le second être, bien plus petit, mais tout aussi étrange, qui réagit dès qu'il eut l'attention d'Alphen. Il se lança dans une longue tirade de clapotis aux tonalités variables, changeant de volume au gré des phrases. Sa peau, une membrane violacée, était percé de 13 orifices dont l'alignement s'altérait au rythme des sons. Alphen ressentait un tel émerveillement qu'il oublia un instant la gravité de sa mission. Il sourit et se plaça entre les deux êtres. « Bonjour, » murmura-t-il la gorge serrée. De nouveaux clapotis lui répondirent et l'autre créature changea de forme silencieusement. Alphen n'eut pas le temps de tenter d'en apprendre davantage sur leur façon de s'exprimer. Devant eux, 3 diodes ovales s'illuminèrent et la porte s'écarta en grondant. Les explorateurs avancèrent au cœur du hangar gigantesque dont les parois étaient du même matériau que l'aire d'atterrissage. Sur la gauche et la droite, il semblait s'étendre vers l'infini. Seul son plafond et le mur opposé étaient visibles. Mais leur dimension était telle qu'Alphen fut pris de vertige. « Ça n'a aucun sens », souffla-t-il. Personne ne l'écoutait. Ses compagnons exploraient déjà les alentours sans se soucier de lui. Il resta sur place quelques longues minutes, pivotant lentement, gravant dans sa mémoire le paysage dément. Il réalisa que les cubes aux tranches émoussées qui s'empilaient jusqu'au plafond ressemblaient à des conteneurs. « On dirait un hangar de fret », tonna-t-il à l'intention de ses compagnons. L'un l'ignora. Alphen se demanda s'il pouvait seulement percevoir les ondes sonores. Et l'autre lui répondit par deux séries de triples clapotis avant de le rejoindre. Ensemble, ils s'approchèrent de l'un des cubes. Alphen posa sa main sur la paroi rugueuse, puis y pressa son oreille. Il pouvait ressentir la même vibration qu'à l'extérieur du hangar. La petite créature se colla tout entière à l'étrange conteneur, sembla s'arc-bouter et continua ses efforts jusqu'à s'aplatir complètement contre l'une des parois. Là, elle s'étendit sur toute la surface en émettant de temps à autre un claquement interrogatif. Enfin, elle se laissa glisser au sol et s'ébroua devant Alphen. « Je ne vois pas un seul interstice. » Il fit jouer ses phalanges sur le côté du cube, qui sonna creux. Il n'avait aucun outil et ne pouvait espérer le percer. Une ombre interrompit sa réflexion et il bondit de frayeur, mais ce n'était pas la créature muette. Elle arborait désormais trois appendices tubulaires et crénelés, avec lesquels elle leur faisait de grands mouvements qui ne pouvaient porter à confusion. « Il veut qu'on le suive !» s'exclama Alphen. Son petit compagnon était déjà parvenu à cette conclusion et glissait sur le sol. Au pied du mur du fond, une alcôve creusait la paroi sur un demi-cercle de quelques mètres de profondeur. Là, le matériau du hangar laissait la place au néant, ponctué d'amas d'étoiles. Les pointes scintillantes se mirent en mouvement dès qu'elles accrochèrent leurs regards. Sous les yeux ébahis de l'astrophysicien, les éclats glissèrent sur leur fond de ténèbres et formèrent des mots. « Vous pouvez lire ça ?» balbutia-t-il. Oubliant presque le message, Alphen fixa les autres créatures, obnubilées par l'affichage qui semblait leur parler autant qu'il lui parlait. Une fois de plus, résolu à croire l'impossible faute d'explication plausible, l'homme retourna son attention sur les mots étincelants. Mémoire insuffisante. Son grand compagnon s'avança jusqu'à l'écran et le toucha, comme pour s'assurer qu'il existait bien les biens. Ou peut-être avait-il besoin de ce contact pour en comprendre le sens. L'autre restait immobile, ses 13 orifices figés en un cercle qui amusa Alphen. La créature semblait bouche bée. Il allait se retourner, mais le message clignota et changea. Réparer. Les trois explorateurs réagirent simultanément. L'un cria de joie, le second fit virevolter ses appendices en une spirale dansante et le troisième compléta d'une suite de clapotis rugissants. La machine, quelle qu'elle soit, elle est cassée. Il nous suffit de la remettre en route. Alphen jubilait, presque incapable de croire qu'il avait contre toute attente une chance d'aider la Terre à mettre fin au problème. C'était trop beau pour être vrai. Nos mondes sont sauvés. Il réalisa en prononçant ces mots qu'il s'avançait un peu. Il se trouvait aux confins de l'univers, en compagnie de créatures qu'il ne pouvait comprendre et devait rafistoler une machine insensée dont il peinait à accepter l'existence. Pourtant, son enthousiasme eut momentanément raison sur son jugement. Son grand compagnon fut le premier à se retourner vers le hangar. Ses appendices semblaient exhorter les deux autres à faire quelque chose. Mais Alphen était bien incapable de saisir la signification de ses gestes. il se résolut à le suivre et ils partirent tous trois. Au détour de la première pile pyramidale, trois conteneurs d'une forme cubique ouverts les attendaient côte à côte. Leur paroi intérieure semblait identique à l'écran découvert dans l'alcôve et chacun d'eux affichait un amas d'étoiles différents. Flak Godron, Filmeuil Nobelgose, Alphen Galastre. La surprise glaça le sang de l'astrophysicien. Une part de lui se réjouit de connaître les noms de ses deux compagnons. Il pouvait voir à leur réaction que c'est bien de ça qu'il s'agissait. Mais il ne pouvait s'empêcher d'être plein de soupçons face à une telle omniscience. En réponse à sa première affirmation mentale, son esprit d'analyse le tensa. Pouvait-il véritablement s'agir des noms des deux autres créatures ? Comment une machine pourrait-elle traduire ce qui est en toute vraisemblance régi par des moyens de communication si différents ? Incapable de répondre à ses propres doutes, Alphen se contenta pour l'heure de considérer qu'il s'agissait d'équivalents de leurs noms dans sa langue et se promit d'y réfléchir plus tard. Son petit compagnon glissait déjà bruyamment vers le premier des trois cubes. « Attends, c'est curieux, tu ne trouves pas ?» Flak sembla comprendre son inquiétude. Ses orifices se déplacèrent jusqu'au dos de sa membrane violacée et lancèrent quelques clapotis rassurants. Filmeuil lui emboîta le pas, mais Alphen le rattrapa en quelques enjambées rapides. L'homme posa une main sur la base des appendices, espérant qu'il s'agissait de l'équivalent d'une épaule. La grande créature se tourna vers lui et sembla hésiter. Elle pointa l'un des tubes vers son propre torse et un second vers la porte du hangar. Elle resta ainsi quelques instants avant d'orienter le troisième vers le cube. « Oui, je comprends. Toi aussi, tu as un monde à sauver, mais... « J'ai peur !» avoua enfin le jeune homme. Flak les rejoignit et se plaça de l'autre côté d'Alphen. Un claquement grave et surprenant s'échappa de sa petite forme, puis un bras malingre jaillit de sa membrane translucide et se posa maladroitement au cœur de la paume d'Alphen. Filmeuil fit de même de l'un de ses grands appendices, l'enroulant délicatement autour du poignet de son compagnon. Alphen dut lutter contre un instant de terreur, mais l'étreinte était rassurante. Quand il se sentit prêt, il fit un pas en avant et les trois explorateurs s'approchèrent des conteneurs. Dès qu'ils furent tous trois installés, les parois des cubes commencèrent de se refermer. Elles étaient faites de ténèbres, piquetées par les amas scintillants. Alphen réalisa qu'il n'éluciderait pas tous les mystères de l'univers lorsque les étoiles s'animèrent. Extension de la mémoire interne. Reprise de l'installation. Eh bien, voilà, voilà, ce sont nos trois explorateurs qui vont remettre avec leur cerveau, je pense, la Terre en route. Je crois qu'on a beaucoup de chance avec nos explorateurs et nos physiciens de temps en temps. En attendant, Alphen, le prénom, j'ai regardé. Alphen signifie un être qui aime l'aventure et qui aime beaucoup. C'est l'astrophysique, hein ? Voilà. Allez, c'est parti pour. Pour une musique, bien sûr, de film, Seul sur Mars. Allez, passez une bonne semaine sur Radio Gémozo. À bientôt.